tu es le Dieu au-dessus de tout, le Dieu qui est là, le Dieu des orphelins, le Dieu des veuves, celui qui ne faillit point. Thank you. Jésus-Christ est Seigneur.